Radio Campus Lille, il est midi. Il est midi ce 15 décembre 2012, troisième samedi du mois, et vous écoutez Angle d'Attaque, une émission proposée par ATTAC, l'Association pour la taxation des transactions financières et pour l'action citoyenne. Vous êtes sur Radio Campus, la radio libre sur 106,6 MHz. Cette émission a été enregistrée le lundi 10 décembre dans le studio de Radio Campus. De quoi parlons-nous aujourd'hui ? En premier, du combat pour une régie publique de l'eau avec René, qui est engagé depuis le tout début dans le collectif Eau. Et René qui d'ailleurs représente les trois attaques de la métropole, attaque Roubaix-Tourcoing, attaque Villeneuve-d'Ascq et attaque Lille. En deuxième position, un mot sûrement sur Notre-Dame-des-Landes et du projet d'aéroport. On sait que de plus en plus nombreux sont ceux qui s'y opposent, des élus de la région de Nantes et même des pilotes de ligne. C'est le matou du lundi qui me l'a appris. Vous le saviez ça, c'est là les amis, le matou du lundi, c'est sur Radio Campus le lundi de 18 à 19h avec Patricia. Troisième partie, la partie magazine, c'est également le troisième volet de notre réflexion sur l'économie sociale et solidaire. Il y aura eu 9 émissions en juin 2013 sur l'économie sociale et solidaire avec Angle d'Attaque. La première était une présentation générale, c'était en octobre. La deuxième était une interrogation sur les monnaies alternatives. Je fais ce rappel pour vous dire, chers auditeurs et auditrices, que vous pouvez réécouter ces émissions pendant 2 mois sur www.campuslille.com et autant que vous le voulez sur notre blog attaquelille.auvert-blog.com. Et puis, je ne résiste pas au plaisir de vous dire combien Angle d'Attaque est en prise directe avec l'actualité de l'économie sociale et solidaire. Qu'on en juge. Avec le calendrier de ces tout derniers jours, fin novembre, il y a 3 semaines, l'INSEE Nord-Pas-de-Calais consacre sa revue Profil à l'économie sociale et solidaire. Des chiffres et des stats utiles pour apprécier le poids de l'économie sociale et solidaire dans la région. Le 5 décembre, à Espace Culture de l'Université de Lille 1, a eu lieu le séminaire final d'un projet transfrontalier réunissant la Wallonie et le Nord-Pas-de-Calais. Le 12 décembre, Laurent Courrouble de la PES à la MRES pour l'ESS. Carton plein donc pour l'économie sociale et solidaire en cette fin d'année. Et nous, aujourd'hui, eh bien, nous allons parler d'ESSEL, système d'échange locaux que nous avons arbitrairement séparé des monnaies alternatives il y a un mois. On nous en a fait le reproche d'ailleurs. Germain et Antoine ont trouvé des praticiens d'ESSEL dans la métropole, grâce en partie à Nicolas, militant trop rare à attaque, mais qui est toujours présent quand on a besoin de lui pour une mission particulière. C'est Antoine qui va présenter notre invité. Oui, notre invité d'aujourd'hui est membre d'ESSEL de Villeneuve-d'Ascq et de Pével. Cela fait 4 ans qu'elle est ESSEListe, retraitée de la fonction territoriale. Anne-Marie Guerre, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Bon, très bien. Merci de m'avoir invité. Je t'en prie. Donc, après la partie magazine sur l'ESSEL, ce sera le temps des lectures. Puis, bien entendu, les rendez-vous d'Antoine pour clôturer cette heure de pure réflexion conviviale. Mais d'abord, l'actualité d'Attaque. René et Xavier, c'est à vous. Nous y allons. 2 événements importants sont prévus par le collectif Eau dans les jours qui viennent. Le premier, le vendredi 14 décembre, de 13h à 14h, un rassemblement devant le siège de LMCU, communauté urbaine de Lille, pour rappel, 1 rue du Ballon à Lille, car il y a ce jour-là réunion du conseil communautaire. Et surtout, une réunion publique le 18 décembre. Que le collectif appelle d'ailleurs, avec un peu d'ironie, le 4e atelier. Référence aux 3 ateliers organisés par la communauté urbaine de Lille sur le thème de l'eau, en vue du renouvellement de la concession et où les citoyens, malheureusement, étaient peu représentés. Mais René était là. Voilà. Donc, cette réunion publique se tiendra le mardi 18 décembre, comme l'a dit Xavier, de 18h30 à 20h30 à la Maison de l'éducation permanente, qu'on appelle couramment la MEP, 1 place Georges Lyon à Lille. Et les intervenants seront ? Jean-Luc Touly, de la Fondation France Liberté et auteur d'ouvrages sur les pratiques scandaleuses des multinationales de l'eau, Gabriel Amar, président de la communauté d'agglomération des lacs de l'Essonne, qui est à l'origine du retour en régie publique des villes de Viry-Châtillon et Grigny. Alain Cacheux, sous réserve, car il n'avait pas dit non au cours du dernier rassemblement le 9 novembre à l'invitation du collectif, mais devait consulter son agenda. Donc sous réserve, Alain Cacheux, vice-président de la communauté urbaine de Lille, chargé des questions de l'eau. Nous vous rappelons, chers auditeurs et auditrices, que l'enjeu est important. Et que selon le choix des élus communautaires au cours de la délibération cadre qui doit avoir lieu début 2013, gestion publique ou privée, cela aura un impact sur le prix, le mode de tarification, la gestion de la ressource, et ceci pour plusieurs années. Il est grand temps que les citoyens usagers s'investissent dans un débat qui les concerne au plus haut point. Et comment ? Et comme troisième événement, le projet de lettre de vœux à Martine Aubry, présidente de la communauté urbaine de Lille, pour rappel, où le collectif propose de la rencontrer et réitère sa demande de débat citoyen au sein de chaque commune de la communauté urbaine. Bien, merci René. Une lettre de vœux à Martine Aubry, c'est pas mal. Espérons que Madame Aubry répondra au collectif de l'eau dont tu fais partie, je n'arrête pas de le dire. Bien, on va peut-être passer à Notre-Dame-des-Landes. Qu'y a-t-il de neuf à Notre-Dame-des-Landes, Germain ? J'ai la sensation que ça s'intensifie parce que, au vu des messages et puis de l'ensemble de ce qui se passe, entre autres sur le site internet qui se charge de regrouper ces informations, zad.nadir.org, on voit énormément donc, de mobilisation de la France entière et on voit également que sur place, à chaque réinvestissement de la ZAD, la police intervient en retour pour expulser les nouveaux occupants. Je sais qu'en janvier interviendront là, au niveau juridique la plupart des expulsions. Voilà pour le calendrier proche. Et on peut dire aussi qu'en date du 24 novembre, un message du conseil d'administration d'Attaque qui condamne la répression apporte tout son soutien à la CIPA, c'est-à-dire l'Association citoyenne intercommunale des populations concernées par le projet d'aéroport à Notre-Dame-des-Landes, et aux habitants de la ZAD, c'est-à-dire la zone à défendre. Attaque France appelle ses adhérents à rejoindre les collectifs locaux et à participer aux manifestations d'opposition à ce projet, notamment ceux qui mettent en lumière son incompatibilité avec la transition écologique. Et tout récemment, émanant des assises nationales d'Attaque qui se sont tenues à Mâcon les 8 et 9 décembre, une motion de soutien. J'ai d'ailleurs trouvé un petit texte sur le site d'Attaque, tout imprégné d'humour, malgré la situation tragique à Notre-Dame-des-Landes. Vous connaissez bien sûr tous les aventures d'Astérix. Alors voilà. Nous sommes en 2012 après Jésus-Christ. Toute la Gaule est bétonnée par le constructeur Vinci. Toutes ? Non. Un village d'irréductibles habitants résiste encore et toujours à l'envahisseur. La vie n'est pas facile pour les habitants de la ZAD. Mais, comme Astérix en son temps, ils l'emporteront face aux garnisons d'Aquarium Garde Mobile, de Babaorum Vals, de Laudanum Vinci et de Petit Bonhomme Héros. Ils s'amusent bien, Attaque, disons. Il faut dire aussi que Notre-Dame-des-Landes est actuellement le plus médiatisé de ce que nous appelons les grands projets inutiles et imposés. Un autre se profile déjà, la ligne à grande vitesse Lyon-Turin, avec son tunnel transalpin de 50 km, ou plus même, et son coût estimé à plus de 26 milliards d'euros. Donc le 3 décembre dernier, jour de la signature officielle de lancement du projet, un cortège d'opposants a défilé à Lyon. Et la Cour des comptes a dénoncé l'ampleur du coût global de ce projet. Et ici, enfin, ici au plan local, le comité local de Villeneuve-d'Ascq envisage une soirée débat justement sur les grands projets inutiles et imposés en partant des événements de Notre-Dame-des-Landes. Ce serait pour fin janvier, début février 2013. Eh bien, voilà de quoi se réunir et de réfléchir ensemble. Merci pour ces infos. N'oubliez pas ce que rappelaient tout à l'heure Xavier et René, l'AMEP mardi prochain. C'est super important. Germain, quelle perle nous as-tu trouvé pour égayer la pause musicale ? On est tous en train de préparer nos cadeaux de Noël. Enfin, je l'imagine. Et pourtant, on ne critique pas assez cette période de l'année. Donc je vous propose un morceau de Duval MC, Si tu vois le Père Noël. l'hiver tombe sur nos contrées. Le soleil est bas, les arbres ont maigri. On voit apparaître au-dessus des fenêtres une marionnette rouge à barbe d'ancêtre. Les gamins d'Occident, s'ils ont été gentils, auront plein de cadeaux. Mais ce personnage qui paraît tendre, où est-il de janvier à décembre? Toute l'année, il fait fabriquer ses cadeaux par des ouvriers de 10 ans en entrepôt qui, pour faire ce qui finira sous le sapin, n'iront jamais à l'école et ne liront rien pour s'accaparer les matières premières. Le Père Noël entretient la corruption et la misère dans ses anciennes colonies, où il a toujours les meilleurs prix. Le pétrole qui fait ce qu'il plastifie finit des fois dans la mer sans qu'on s'en méfie. Et quand il sert à livrer les joujoux par milliers, il dérègle le climat du globe. On dit qu'il passe par tous les toits, mais dommage qu'au Burundi y ait pas de cheminée. Si tu vois le Père Noël, mets-lui des courses semelles. Fous-le dans sa hotte et mets-lui des calvottes. Fais-lui manger sa poisse, beurre, mes gorges sereines. Préviens cet escroc qu'il est bon pour la GN. Le Père Noël distribue les boîtes de chocolat, les tranches de saumon, les blocs de foie gras. Se perpètent les panses des porcs à perfette qui rient comme des morts et appellent ça les fêtes. En novembre, il vend des figurines de G.I., des tanks et des canons pour la marmaille. L'arsenal se collectionne, les parents qui triment auront-ils la maille? Voici décembre, c'est parti, les Barbies descendent en rappel dans les caddies. Blonde squelettique ne pense en qu'au 4-4 de Ken. Et ces jeux vidéo qui tombent de la haute donnent-ils aux ados le sens de la lutte? Génération vertueuse en virtuel aura-t-elle fait le bien dans le monde réel? On ramasse des cadavres chaque matin en Inde, ça n'empêche pas le Père Noël de gaver ses dindes, d'arroser les armes pour que l'ivresse oublie que 5 milliards d'hommes n'ont pas ce mode de vie, que les brevets de médicaments valent de l'or, plus de valeur en tout cas que des millions de morts. Vois le Père Noël, mets-lui des courses semelles. Fous-le dans sa hotte et mets-lui des calbottes. Fais-lui manger sa fosse, barbe, égorge et sirène. C'est le pervers Noël et sa supercherie vénale te fait super marcher dans tes hypermarchés. Je le croyais polyglotte et tu es complètement bête. Pour ne pas pouvoir répondre à toutes les lettres et les requêtes, je croirais bien plutôt qu'il préfère les chiffres aux lettres des riches aux prêtres. Et le verbe avoir au verbe être, on a fait irréprochable, cher ce personnage impeccable avec sentiment charitable pour mascarade en guise de fable de Saint-Nicolas. Si tu vois le Père Noël, mets-lui des courses semelles. Fous-le dans sa hotte et mets-lui des calvottes. Fais-lui manger sa poisse, barbe et gorge et sirène. Préviens cet escroc qu'il est bon pour la GN. Si tu vois le Père Noël, lui des calvottes, fais-lui manger sa force, barbe, gorge, sirène. Avant de vous laisser avec notre invité, Germain et Antoine, je pense utile de préciser quelle démarche nous anime à Attac pour faire un point, et même un grand point, neuf émissions quand même, sur l'économie sociale et solidaire. Notre mouvement Attac, qui est surtout connu pour la qualité de son analyse économique, se doit aussi de réfléchir sur des propositions alternatives à la société dans laquelle nous vivons et qui est caractérisée, nous n'arrêtons pas de le dire, par une triple crise. Sociale, les licenciements n'arrêtent pas et la précarité s'étend. Économique et financière, le remboursement de la dette publique qui mine l'action de l'État. Et écologique, avec les bouleversements climatiques, je pourrais quand même insister en disant crise aussi de la démocratie. Il n'est plus question, du moins je ne le pense pas, de revenir à une utopie toute faite, totalisante, qui réglera tous les problèmes. C'est pourquoi nous nous tournons vers l'économie sociale et solidaire, dans laquelle il y a peut-être des idées à puiser, enfin nous le souhaitons, notamment quels enseignements pouvons-nous tirer des pratiques d'échange qui sont à l'œuvre dans l'économie sociale et solidaire. Il semble en effet que les alternatives, même modestes, à l'économie capitaliste que propose l'économie sociale et solidaire révèlent ou permettent de retrouver, de réanimer, de créer davantage de liens sociaux, des rapports sociaux mieux compris et même des rapports de production qui pourraient bien être, on en fait le pari, les ferments d'une autre économie, d'une autre conception de l'économie autrement plus riche en humains. C'est ce que nous essayons de comprendre. Je tenais à faire cette précision pour nous tous et pour dire à notre invité sur quoi nous portons notre attention dans ce qu'elle va dire et pourquoi nous l'avons invitée. Germain et Antoine, c'est à vous. Et merci d'avance à Anne-Marie d'être parmi nous ce soir. Alors moi, ma première question à Anne-Marie que je poserai, qu'est-ce que un sel ? Comment ça fonctionne ? Alors un sel, c'est un système d'échange local et nous échangeons des services, des savoirs et des biens contre une monnaie virtuelle, que ce soit la pépite, la feuille ou le grain de sel. Cette monnaie a une valeur de 60 unités par heure de service. Et elle fonctionne avec un fichier d'offres et de demandes que les adhérents remplissent. Et elle est mise souvent sur Internet. Et pour les personnes qui ne disposent pas d'Internet, elles peuvent le consulter lors des réunions souvent hebdomadaires que nous organisons aussi bien au sel de Villeneuve-d'Ascq qu'au sel de la Pévèle. Oui, alors savoir est bien, mais qu'est-ce que vous échangez exactement dans les sels ? Alors, des savoirs, on peut donner des cours de soutien scolaire. Des biens, on peut organiser des blés. Alors, c'est la bourse locale d'échange. Souvent, c'est organisé dans la maison d'un adhérent. Ou alors, s'il fait beau, ça peut être fait aussi lors d'une braderie. Et tout ça, et toutes ces choses qu'on échange, sont toujours avec cette monnaie virtuelle. Bon, ben, on évalue à peu près, on voit ce qu'on veut échanger, et puis on se met d'accord. Et c'est très sympathique. Ça finit souvent par un repas partagé. Donc c'est convivial. C'est très convivial, oui. Oui, très très convivial. Et pourquoi ce sel-là ? Oui, parce que, écoutez, j'étais d'abord adhérente à Villeneuve-d'Ascq, c'est le premier que j'ai connu. Et puis, il y a quelqu'un qui en a créé un là près de chez moi, à Pont-à-Marc. Et comme c'est la proximité, j'ai adhéré. Et je suis aux deux parce que je n'arrive pas à me séparer de l'autre. Et puis, j'ai des connaissances des deux côtés, voilà, ce qui est très plaisant. Oui, alors précisons qu'en fait, en Pévèle, c'est une communauté de communes. C'est plusieurs communes, c'est ça ? Oui, c'est plusieurs communes qui sont situées au sud-est de la banlieue lilloise. Mmh, d'accord. Et qu'est-ce qu'un sel change dans la vie quotidienne des gens ? Eh bien, moi, ça m'a apporté une ouverture vers les autres parce que je vis seule. Et puis, j'avais besoin d'un réseau social et puis d'un petit coup de pouce pour la vie quotidienne parce que parfois, on n'a pas toujours le moral. Et puis, avoir quelqu'un qui vienne vous aider un peu, ça fait du bien. Ça fait du bien de rencontrer du monde. Est-ce que vous savez combien il y a de cellistes dans au sel de Villeneuve-d'Ascq et en Pévèle ? Alors, au sel de la Pévèle, nous avons fêté notre 100e arrivée sur un peu plus d'un an, d'existence. Et à Villeneuve-d'Ascq, il y a eu des entrées et des sorties. On est passé de numéro 300, mais on doit être une bonne centaine aussi. Je n'en suis pas sûre. D'accord. Ok. Alors, il y a une question centrale qui revient dans les sels et qui est un peu la problématique. Est-ce que les échanges peuvent-ils être considérés comme du travail au noir ? Oh, pas du tout, parce que nous avons une charte qui régit tout ça. Et puis, les échanges doivent être ponctuels, c'est tout. Ça ne peut pas remplacer l'artisanat. Et puis, c'est juste un échange de services qui ne doit pas se répéter trop souvent. Est-ce que vous entretenez des rapports humains au-delà des échanges avec les cellistes ? Oui, ça arrive, oui, bien sûr, oui. Comme dans toutes les associations, il y a des atomes crochus plus ou moins débiteurs avec certaines personnes, et il y a des amitiés qui peuvent se faire. Vos selles sont en association de 1901 ou pas du tout ? Parce que les deux sont possibles apparemment. À Villeneuve-d'Ascq, c'est association de fête et au sel de la Pévèle, elle est déclarée en préfecture. Mais ça ne fonctionne pas tout à fait comme une association normale. C'est-à-dire que je pense qu'il y a plusieurs coprésidents. Voilà. Mais ça, je ne suis pas assez calée pour vous donner exactement les détails. Alors, qu'est-ce qui s'échange ? Déjà, Antoine a posé la question, mais des choses tout à fait particulières, par exemple, atypiques, où on imagine bien une leçon d'anglais, du jardinage, mais il y a des choses un peu particulières, bizarres, non ? À la campagne, surtout du jardinage. Moi, je donne occasionnellement des cours de cuisine, des cours de couture. Mes demandes sont surtout du petit bricolage. Voilà, des choses atypiques, je ne vois pas là comme ça sur le fait. Ah mais s'il n'y en a pas, faut non, pas non, non, non, mais vous me prenez de court là. Alors si par exemple il y a des auditeurs, auditrices qui nous écoutent et qui voudraient adhérer aux celles de Villeneuve-d'Ath ou celles en Pével, qu'est-ce qu'ils font? Comment ça va se passer? Alors ils viennent à la réunion et puis voilà, ils prennent note de ce qui peut se faire à Villeneuve-d'Ath. Et si les auditeurs et auditrices veulent contacter le CEL en Pével, comment font-ils? Alors ils peuvent venir à la réunion le samedi après-midi de 16h à 18h, salle Louis Boudry à Pont-à-Marc, et il y a une adresse mail, celenpével@orange.fr. D'accord. Moi, j'ai également d'autres contacts à donner, parce qu'il y a plusieurs, comment dirais-je, celles dans la métropole lilloise. Je peux en donner quelques-uns. Il y a l'Arbre à Villeneuve-d'Ascq. Donc, il y a un site www.arbrecel.info, arbrecel@gmail.com. Il y a Baracel à Lille, baracelcontact@yahoo.fr. Il y a bien sûr le Reichel, R-I-J-S-E-L, qui veut dire Lille en flamand, donc www.rijsel.org. Il y a le CEL de l'Union à Roubaix. Alors le CEL de l'Union s'est créé par scission au celui du CEL de Lille il y a quelques années. Donc CEL de l'Union d'un seul tenant, sans séparation, @gmail.com. Le CEL de Oisem à Lille, celdeoisem@gmail.com. Les CEL des Faubourgs à Lille, donc boulevard de Metz, celdesfaubourgs@yahoo.fr. Voilà, quelques-uns. Je crois que René, tu as une question à notre invité. Oui, justement. J'aurais voulu savoir quelles sont les limites aux échanges. Par exemple, est-ce que l'ampleur des travaux ou s'il y a des risques, par exemple dans le cas d'une réfection dans une maison, est-ce que vous avez institué donc des limites un peu en parallèle, j'irais, avec les, comme dans les chèques emploi-service, où on ne peut faire que de petits travaux de ménage ou de jardinage, mais par exemple il est interdit de délaguer des arbres ou des choses comme ça. Ouais, c'est quand même déconseillé parce que c'est du travail de professionnel et bon, on se limite à des petits services malgré tout. Il y a une charte qui est mise en place et on peut la consulter sur les sites que vient de nommer Antoine. D'accord. Et toi Germain, as-tu quelque chose à rajouter ? Moi, je suis également utilisateur d'un CEL, celui de Lille, et je trouve que chaque région a un petit peu sa particularité. Les services ne seront pas les mêmes en fonction qu'on est dans une ville ou à la campagne. J'avais trouvé qu'à Lille, c'est des services qui sont à domicile, comme babysitter par exemple, mais il y a aussi, on y retrouve tout plein de services, et c'est vrai que c'est très complet quand on est dans une ville. Je voudrais moi aussi poser une question, sur revenir un peu sur ce que j'ai dit en introduction. Je reviens sur les rapports entre les gens. Dans un CEL, vous échangez en triangle, en quadrilatère. Enfin, oui. D'accord. Mais je dis, à la fin, il y a quand même... Alors, je vais être méchant et... comment dire, un peu violent. Il y a des rapports entre les gens qui sont des rapports de clients à fournisseurs, de toute façon. Est-ce que ça se passe toujours dans la joie et la bonne humeur? Est-ce qu'il y a des médiateurs pour essayer de calmer les gens qui ne seraient pas d'accord entre eux sur la qualité du service? Parce que ça, on n'en parle jamais. Je trouve tout à fait bizarre, d'ailleurs, quand on ne parle jamais de ça. C'est peut-être les limites dont parlait... C'est une autre limite que celle dont parlait René. C'est certain que dès l'instant on accepte un échange, il faut accepter aussi que ce soit qu'il n'y ait pas toujours la perfection. Et il est vrai qu'il y a des médiateurs si des fois il y avait un petit conflit entre deux personnes. Mais en général, ça se passe toujours très bien. La dernière fois à la campagne, nous avons fait un chantier festif pour nettoyer un terrain. Et puis voilà, ça s'est passé dans la bonne humeur. Et la personne nous a gentiment offert un repas. Et voilà. Voilà, nous étions 17 ou 20 et voilà, je pense que la personne qui a organisé a été contente. Bien sûr, peut-être que tout n'a pas été fait, mais ça fait partie du jeu aussi et c'est comme ça. D'accord, voilà. Vous acceptez que tout n'est pas parfaitement... Évidemment, parce que de toute façon, en tant que professionnel, on n'a pas le droit d'exercer notre profession pour rendre service. Et voilà, et puis c'est tout. Il peut y avoir aussi des petites choses qui coincent, et puis ça fait partie de la vie, et c'est comme ça. Y a-t-il eu déjà des contrôles ? À ma connaissance, non, parce que de toute façon, c'est que ponctuel. J'imagine pas, moi, quelqu'un qui viendrait toutes les semaines faire mon ménage ou entretenir mon jardin. Non, ça, c'est hors de question. Donc, je ne sais pas, peut-être dans certains selles, mais... Quel genre de service fournissez-vous, par exemple ? Alors, je l'ai déjà dit tout à l'heure, des cours de cuisine, mais aussi, je peux ajouter, j'ai déjà gardé des petits chiens dont les patrons étaient partis en vacances. Je n'ai pas encore eu l'occasion de garder des gamins, parce que je viens de le mettre là, sur la banque de données. Enfin, au sujet de la question sur l'importance des liens entre les personnes, on a eu, pendant les préparatifs de l'émission, un contact avec Christine Massouna, qui est justement au sel de l'Union, que tu as cité tout à l'heure, où elle est assez active sur ce sel et elle le présente assez bien. Elle disait justement que le lien est plus important que le bien. Et ça, c'est une idée qu'on retrouve, entre autres, je crois que c'est chez Paul Ariès. Et elle, pour étayer ça, elle parle d'un document de fondation des selles qui indique 3 paliers de construction, les besoins pratiques, sortir de la solitude comme brique fondatrice et puis changer la société. Donc là, on retrouve un petit peu l'idée que tu donnais au départ, Christian. C'est peut-être pas révolutionnaire, mais ça apporte quelque chose. Oui, c'est bien ce que j'entends de la part d'Anne-Marie. C'est des choses qui me semblent vraiment très intéressantes. Ça ne permettrait pas de retrouver ce que les gens faisaient peut-être de manière plus naturelle il y a 50 ans. Avant que la télévision inonde les foyers. Oui. Voilà. Oui, effectivement, on rendait service sans se poser de questions à l'époque. Oui. Ouais, voilà. Merci. Christine Massounab, quand tu poses la question de qu'est-ce qu'un sel a changé dans sa vie quotidienne, annonce que finalement ça a changé beaucoup de choses. Elle fait des échanges et demande et rend des services, des petits services, mais rencontre également beaucoup de gens avec lesquels elle s'entend bien. Elle présente aussi, ça c'est un gros travail finalement dans le sel, c'est l'organisation du sel, aller présenter le sel, faire les journées, les soirées de bienvenue au sel. Ça fait partie de toute l'organisation finalement. Une fois qu'on est dedans, elle a découvert l'économie solidaire, elle a rencontré des cellistes de toute la France. Et une fois par an, il y a les rencontres annuelles qui lui permettent de se déplacer loin de la région lilloise. D'ailleurs, il faut rappeler que les selles entre eux sont reliées par un réseau d'échanges, puisque la monnaie est quasiment toujours la même sur tous les selles de France. L'unité de 1 grain pour 1 minute de travail. D'ailleurs, il y a 2 réseaux, il y a Intercel. Précisant que le sel de Lille propose en fait une réunion de présentation le deuxième lundi de chaque mois au Café Citoyen. Voilà. Donc c'est Intercel et l'autre c'est Célidaire, qui se présente également sous forme de site internet, puisque, bon, une fois qu'on veut se déplacer, c'est quand même plus facile de retrouver l'information sur le réseau pour pouvoir convertir ses grains, son unité, quelle qu'elle soit, vers l'autre, vers le sel de destination. Et il y a aussi la route des sels. Et la route des sels, qui d'ailleurs est internationale, si j'ai bien compris. Je pense, oui. Moi, j'ai eu l'occasion de séjourner en Belgique lors d'un stage que j'ai fait près de Bruxelles. Alors, comment ça fonctionne, la route des sels ? Alors, la route des sels, il faut être inscrit déjà. Et puis, on a accès à un catalogue. Et on peut aussi mettre sa maison sur la route des selles ou une chambre, voilà. Et sa maison à échanger On peut échanger sa maison ou alors on peut louer, prêter une chambre ou deux et recevoir des gens. La plupart du temps, les personnes qui mettent leur maison sur la route des selles, en fait, ils partent en vacances et puis demandent un service, c'est-à-dire de venir garder les animaux et la maison. Et puis, moyennant 60 pépites ou 60 unités par nuitée. Mmh. Mais comme en échange, on donne aussi On demande 60 unités pour garder les animaux, ça s'annule en fait. Voilà. Alors c'est valable au niveau national, européen ou international? Européen, ça c'est sûr, et international, moi je ne sais pas, toi tu sais peut-être. Au-delà de l'Union européenne, je ne sais pas. Enfin, la seule, sur cette question-là, je connais que la Belgique et la France qui fonctionnent sur le même système. Et alors pour adhérer à la route des selles, il faut déjà évidemment être selliste. Bien sûr. Voilà, oui. Où y a-t-il un contact spécifique pour la route des selles? Écoutez, moi j'ai adhéré par le biais de mon sel. Voilà. Oui, il faut être selliste voilà, déjà. Voilà, évidemment. Je reviens peut-être sur une question toujours un peu sociale. Germain tout à l'heure disait qu'il y avait de la garde d'enfants. Est-ce qu'on peut caractériser les gens qui pratiquent le sel, les âges par exemple, le milieu social? Alors les milieux sociaux, ben, y a des gens de tous les milieux, hein. Y a des profs, il y a des ouvriers, il y a des fonctionnaires, voilà, ça vient. Et, en fait, c'est un beau mélange de toutes les classes sociales. De toutes les classes sociales. Et sur les âges, il n'y a pas d'âge non plus. Vous allez me dire, il y a tous les âges, de 7 à 77 ans, non? Je pense, oui. Moi, je suis plutôt dans la tranche pas loin des 77. Il y a des jeunes, puisque je vois que Germain... Il y a peut-être plus de jeunes sur la métropole illoise que dans la campagne, quand même. Des couples, il y a des gens, il y a des familles, il y a des gens seuls. Et il y a plus de femmes que d'hommes ou c'est également réparti? Je pense, oui, que comme partout, il y a plus de femmes que d'hommes. Messieurs, je pense que vous êtes fragiles et vous nous quittez avant. Ah, c'est une question de longévité, d'accord. Ça voilà. N'engage que moi. Je pense qu'il y a des messieurs qui ont besoin qu'on leur fasse des ourlets de pantalon et puis des dames qui ont besoin qu'on vienne leur donner un coup de main si la vaisselle est en panne ou voilà. Voilà, au moins il n'y a pas de sexiste. Ouais, non. Voilà. C'est bien. Antoine, je crois qu'il y a une question importante à poser que tu as peut-être oubliée. Vis-à-vis des échanges et de la monnaie qu'on utilise dans les selles, comment ça marche pour que l'ensemble tienne le coup? Comment ça se fait qu'on ne manque jamais de monnaie? Est-ce qu'il y a quelqu'un, un organisme qui centralise tout ça? Est-ce qu'il y a un gestionnaire? Oui, eh bien, déjà les échanges se font pas forcément avec la même personne, c'est-à-dire que on peut échanger A, échange avec B ou échange avec C, et voilà, tout ça est transcrit sur une feuille d'échange que nous transmettons après à la comptabilité. Et en fait, il est toléré, en fait du tout au moins chez nous, un débit ou un crédit de 3000 feuilles ou 3000 pépites. Au-delà de ces stades, si on est débiteur, on est tenu de rendre des services pour remonter un petit peu la pente. Il n'y a pas d'agio. C'est ce qui est pratique, contrairement à nos banques. Et puis, voilà, on n'est pas là non plus pour thésauriser et passer les 3 000, 4 000 unités. Voilà. En fait, pour faire fonctionner un sel, il faut faire des échanges. D'accord. Donc, pour remplacer le crédit, en fait, c'est l'autorisation d'un solde négatif. Oui, jusqu'à, pour chez nous, 3 000. 3 000 bases. D'ailleurs, je crois que c'est exactement la même chose à Lille. Ou 2 000. Ouais, peut-être 2 000. Je crois que c'est 2 000, oui. Ouais. Est-ce que quelqu'un d'entre vous pourrait nous faire un petit historique du sel en France? Je pense notamment que les sels ont été lancés dans des régions appauvries, victimes de l'exode rural, comme je crois que c'était l'Ariège. Oui, ça correspond à ce que j'ai obtenu de Christine Massounab du sel de Roubaix, qui m'a envoyé un document et qui parle donc du premier sel de France, créé en 1994 en Ariège. Donc, qui répond à tes critères, j'ai l'impression, victime donc de l'exode rural, ouais, et que c'est là à cette époque-là, effectivement, les journalistes en parlaient déjà et insistaient sur le fait que c'était un lieu d'échange sans argent qui permettait de répondre à des petits besoins, des besoins assez simples où les professionnels n'avaient pas forcément de réponse à donner. Quelques tuiles déplacées sur un toit, un problème de canalisation, un besoin rapide de cours, de langue, ou des choses comme ça. Voilà. Alors, du coup, moi je réagis là-dessus. Hein. Anne-Marie nous vient de la Pévèle, c'est certainement pas la région la plus pauvre de France. Et donc, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on peut faire comme hypothèse là-dessus? Enfin, ça veut dire qu'il y a un besoin d'échanger, il y a un besoin de se trouver des liens avec les autres qu'on ne connaît pas forcément, c'est oui, ça? Oui, mais peut-être que c'est une région très riche, la Pévèle, mais il y a très peu de gens riches en Pévèle. Ce n'est pas parce qu'il y a quelques belles maisons près du golfe que d'autres personnes n'ont pas des besoins plus modestes et des besoins de se retrouver avec d'autres pour échanger. D'accord, j'accepte. Oui, je crois qu'il y a également Nicolas Danjou, qui est membre d'ATA, qui a quelque chose à dire concernant les sels. Oui, voilà, pour prendre un petit peu de recul au niveau national et dans la période récente, on voit que, il me semble, après je pose aussi la question à Anne-Marie, mais il me semble qu'il y ait de plus en plus de solidarité, et malgré ce qu'on entend, par exemple le fait que les familles soient plus étendues, des plus de générations, le fait que les institutions se développent peu à peu, et aussi le fait qu'il y ait beaucoup de... plus d'associations, relativement récentes comme les SEL. Donc, est-ce que ce fait-là se voit également dans les SEL ? Oui, bien sûr. Oui, puisque la meilleure preuve, c'est que le SEL de la Pévèle a démarré il y a un peu plus d'un an, et puis que nous étions deux ou trois au départ et que nous avons atteint un peu plus de 100 ici le mois dernier. Donc c'est bien une preuve que c'est un besoin des populations aussi de se retrouver et encore une fois de faire des échanges. Et je pense que ça va faire des petits parce que du côté des webs, ça il y a des gens qui parlent de créer un SEL. Et il faudrait aussi qu'on en fasse un peu plus vers Orchi, Soma, ça se croit certainement. Parce que c'est important d'avoir la proximité aussi. On peut quand même constater que c'est une progression très rapide, puisqu'en un an, vous arrivez à regrouper une centaine de personnes. Bah oui, ça prouve bien que c'est un besoin à l'heure actuelle. Et faites-vous alors ? Eh bien, essentiellement le bouche à l'oreille. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas très longtemps, il y a FR3 qui est venu tourner un chantier festif. Mais enfin, c'est essentiellement aussi le bouche à l'oreille. Et on suppose que dans d'autres secteurs comme les webs, ça devrait se développer aussi bien. Il y a un besoin aussi. Il y a un besoin partout, oui, voilà. La structure de la population est peut-être plus âgée, non, dans les endroits comme les campagnes, du type Pévèle, les webs, etc. Je ne sais pas si... Pour ça fait des différences pour la communication, le fait que les sels se répandent plus ou moins vite dans ces régions. Oui, peut-être bien, oui. Comme je disais tout à l'heure, c'est vrai qu'en ville, il y a certainement plus de jeunes qu'à la campagne. Ça c'est certain. Ah oui, ça confirme. Oui. Eh bien, merci Anne-Marie Guerre pour toutes ces explications. Je crois que nos éditeurs, auditrices auront une image beaucoup plus claire que qu'est-ce qu'un SEL, un système d'échange local. Voilà. Je vous remercie aussi. Oui, en effet, Antoine, voilà qui a été très utile à notre réflexion. Merci à chacun. On fait une pause musicale. D'ailleurs, c'est sur l'actualité, puisqu'il s'agit d'une chanson de la Parisienne libérée qui nous parle de Notre-Dame-des-Landes. Apparemment, il y aurait 4 ou 6 capsules de lacrymo par machin. Mais ça veut dire que tout le potager, tout est inutilisable. Je te jure, le chou-fleur ce matin, je me suis fait avoir et c'est immonde, quoi. Le projet ambitieux dans les années 60 d'un concorde radieux d'une industrie qui chante. Le projet innovant des années 70. Il faut dorénavant que chacun atterrisse. Le projet oublié des années 80. Le pétrole a flambé, tout ça ne sert plus à rien. Le 20e siècle est mort, plus personne ne demande le fol aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Quand soudain par magie de monstres réanimés, le grand hub a surgi prêt à tout bétonner. Y a du terrain à prendre et de l'argent à gagner. Adieu les salamandres, le bocage est fermé. Le kérosène est cher, promis, ce sera le dernier. Mais comme pour le PR, pas question de renoncer. On sait bien qu'on a tort, mais il faut qu'on défende le fol aéroport de Notre-Dame-des-Landes. De manière à ce qu'il n'y ait aucun incident et que la sécurité puisse être assurée, les forces de l'ordre sont présentes en nombre suffisant. Il y a juste quelques centaines de caïds surarmés. Il y a juste un hélico et un petit peu de fumée. Deux lignes de camions blancs, une ronde de camions bleus. Et partout dans les champs des vaches qui font pas meux. Et partout dans les champs des vaches qui font pas meux. Il a fallu enterrer quelques tritons crêtés. Mais pour monsieur le préfet, tout s'est très bien passé. Une action héroïque en milieu difficile. Des noms énigmatiques, une poésie hostile. Le limimbou, le tertre, le sabot, la vacherie. La saule sur les planchers, bel air, le préfailli. L'isolette, la gaieté, le phare, la chèvrerie. La béliche, les rosiers, la cabane, la sécherie. Y a juste quelques centaines de caïds surarmés. Y a juste un hélico et un petit peu de fumée. Deux lignes de camions blancs, une ronde de camions bleus. Et partout dans les champs des vaches qui font pas meux. Et partout dans les champs des vaches qui font pas meux. C'est une concertation d'un genre déconcertant. Et pour la transition, ça transite bizarrement. Oignon contre lacrymo, chacun son style de botte. Jusqu'au dernier poireau, jusqu'à l'ultime carotte. Tout est mondialisé cependant jusqu'ici. Y'a pas de curé nantais en vente au duty free. Non, tout n'est pas perdu, c'est pas dit qu'on se rende au fol aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Y'a juste quelques centaines de caïds surarmés. Y'a juste un hélico et un petit peu de fumée. Deux lignes de camions blancs, une ronde de camions bleus. Et partout dans les champs des vaches qui font pas meux. Et partout dans les champs des vaches qui font pas meux. On va procéder à une évacuation en douceur. Je vous invite à partir. Bien, on passe maintenant à la dernière partie, l'avant-dernière, les lectures. C'est Xavier qui commence. Avec un ouvrage de Jean-Luc Porquet, qu'il publie aux éditions du Cherche Midi, dans une édition réactualisée. L'ouvrage s'intitule « Jacques Ellul, l'homme qui avait presque tout prévu ». 18 euros, 328 pages. Alors, Jacques Ellul, qui a inspiré Guy Debord, Paul Virilio, Ivan Illich, Serge Latouche, était un professeur d'histoire du droit, sociologue et théologien protestant. Il est mort en 1994 à l'âge de 82 ans. Si Jacques Ellul est connu, c'est pour sa critique de la technique, dont les thèses ont été publiées dès 1954 dans La technique ou l'enjeu du siècle. Pour Ellul, la technique forme un système. Et, détail important, l'homme ne maîtrise pas la technique. Celle-ci s'auto-accroît selon sa propre logique. La technique crée des problèmes qu'elle promet de résoudre grâce à des nouvelles techniques. Et plus le progrès technique croît, plus augmente la somme de ses effets imprévisibles. La technique est autonome. Il n'y a pas de choix. Il n'y a pas de démocratie possible. Ainsi, la technique est devenue une nouvelle religion qui renforce l'État et qui lui-même renforce la technique. Et cette technique, elle-même, renforce les entreprises. Pour Ellul, clairement, les multinationales sont les enfants de la technique, pas du libéralisme ni du capitalisme. D'autre part, la technique s'est alliée à l'image pour piétiner la parole. Nous vivons sous l'emprise d'une incessante propagande. La publicité et ce qu'il appelle le bluff technologique sont les moteurs du système technicien. Devenue universelle, la technique uniformise toutes les civilisations. La vraie mondialisation, c'est elle. Elle avale la culture. Elle éjecte de la société les hommes inexploitables. Et comme il ne peut y avoir de développement technique infini dans un monde fini, les techniques épuisent les ressources naturelles. Toutes ces idées datent de 1954. Les thèses de Jacques Ellul sont donc exposées, résumées, développées dans le livre de Jean-Luc Porquet. Il les a réunies dans 20 idées fortes. Alors ces idées sont disséminées à l'origine dans une cinquantaine d'ouvrages. Il était très prolifique. Et elles permettent de donner une image synthétique de la pensée de Jacques Ellul. Cet ouvrage est composé de 3 parties. Dans la première, Jean-Luc Porquet résume les 20 idées fortes développées par Jacques Ellul. Dans la seconde partie, il s'interroge et il interroge des penseurs, Serge Latouche, Dominique Bourg, José Bové, si on peut le qualifier de penseur, plutôt d'activiste, sur ce qu'ils ont retenu, ce qu'ils ont intégré dans leur pensée, dans leur démarche, dans leur philosophie, et qui provenait de Jacques Ellul. Et enfin, la dernière partie porte sur la foi protestante de Jacques Ellul et son articulation avec sa pensée critique. Donc cet ouvrage, formidable, extrêmement intéressant, qui donne vraiment une approche différente des problèmes actuels, s'appelle Jacques Ellul, l'homme qui avait presque tout prévu, aux éditions du Cherche Midi. Oui, merci, effectivement, ouvrage qui a l'air tout à fait précieux pour un penseur quand même de la deuxième moitié du XXe siècle, qui éclaire sur pas mal de choses, même si on peut être aussi un peu critique par rapport à cette argumentation sur la technique s'autogénère. Bien, moi je vais parler d'autre chose avec Philippe Corcuff. Alors, avec un titre terrible, « La gauche est-elle en état de mort cérébrale ?» C'est paru chez Textuel en 2012 et ça coûte 8 euros pour 80 pages. Philippe Corcuff est sociologue. Il enseigne à Sciences Po Lyon et puisqu'il le dit lui-même, on peut le dire, il a un parcours politique particulier du PS au NPA, dont il s'est mis en ce moment en congé, en passant par le MRC et l'Europe Écologie des Verts. Ce qui, selon lui, lui donne une capacité de comprendre la gauche, ça j'en suis pas si sûr, bon mais maintenant je suis pas sûr du contraire non plus. Un mot quand même, comment je suis tombé sur ce bouquin ? Bien, en lisant l'excellent Politis de la semaine dernière, dont le dossier est consacré aux intellectuels et la gauche. Philippe Corcuff était interviewé et ça m'a donné envie de lire son ouvrage. Ça commençait un peu mal d'ailleurs pour moi parce que ce bouquin est considéré comme un pamphlet. 80 pages, c'est bien la taille d'un pamphlet, mais enfin, c'est pas la peine de me dire ce que c'est qu'un pamphlet, je sais. En 3 pages, 180, c'est beaucoup, quoi. Et puis ça continue un peu moyen avec des notions d'essentialisme dont il ne parle pas dans son interview. Et puis après, enfin, tout devient clair. Les idées sont avancées, elles sonnent justes. Et d'abord, pourquoi cette mort cérébrale ? Parce que, dit-il, il y a une rupture entre la gauche et les intellectuels. N'insistons pas, par charité, sur la gauche dite hollandaise qui n'a évidemment plus besoin d'intellectuels. Ce n'est pas cette gauche-là qui m'intéresse, c'est plutôt la gauche en général, celle dont les intellectuels, précisément, se sont distanciés. Pourquoi et comment ? Un certain nombre de facteurs, 4, explique Corcuff. La technocratisation de la politique. En effet, les thèmes de discussion sont segmentés. On parle à un moment de l'emploi, à un autre de l'environnement et à un troisième de compétitivité, etc. Et la réponse des intellectuels se calque sur cette façon d'annoncer les choses pour se poser en contre-expert. En fait, ça finit par expertise contre contre-expertise, si je peux dire. Voilà. Et donc ça, c'est un peu court. Deuxième facteur, c'est la professionnalisation de la politique. La ressource intellectuelle devient une ressource, sans plus, une caution. Auprès des politiques, et c'est là que c'est bien vu par Corcuff, auprès des politiques, dans les meetings, eh bien, il y a des intellectuels, bien sûr, mais à côté des vedettes du showbiz. Les troisième et quatrième facteurs m'ont paru un peu plus inattendus et plus stimulants pour la réflexion. Le troisième vient d'un historien, François Hartog, qui parle de présentisme, pour signifier que le rapport au temps change, qu'il est déconnecté du passé et du futur. Ça donne quoi ? Ça veut dire, à un problème, on répond ici et maintenant, et puis c'est tout. Et puis on oublie le passé et l'avenir, et c'est justement là qu'on a besoin du marxisme qui permettait de penser globalement, et qui n'a pas trouvé son remplaçant en l'occurrence. Enfin, le quatrième et non le moindre, c'est l'éloignement des classes populaires de la part des intellectuels. C'est ce point qui a retenu le plus mon attention dans l'ouvrage. En effet, il y a d'une part des raisons objectives. Ce que l'ère libérale a amené à l'université, ce sont des universitaires qui apprennent à ne pas regarder ailleurs que leur carrière et leur domaine d'expertise. En ce sens, on a bien compris que Florence Génicatrice n'est pas de cela. Mais de son propre aveu, c'est de plus en plus difficile de tenir cette position. De l'autre, d'autre part, et en conséquence, il y a de la part des intellectuels cette quasi-incompréhension de ce qui se passe dans la tête des gens. Ce que n'a analysé parfaitement Bourdieu, d'ailleurs. En un mot, on pourrait résumer comme ça. Si les médias étaient aussi puissants pour lobotomiser des téléspectateurs, c'est à peu près ce qu'on dit chez Intello, croyez-vous vraiment qu'il y aurait des oppositions de droite et de gauche au libéralisme? Et Corcuff d'ajouter qu'il porte de plus en plus d'attention aux séries télé, toujours appréciées du grand public, où précisément les rapports entre les gens ne sont pas que des rapports issus de la doxa libérale et mercantile, économique, disait tout à l'heure Anne-Marie. Il y a aussi des rapports d'entraide, d'amitié, de coopération, de soutien, etc. C'est là, dit-il, qu'il faut regarder, que les intellectuels doivent regarder. Et puis, y a-t-il de l'espoir dans ce bouquin au titre suicidaire? Il y en a. Pour Philippe Gorcuff, il n'est évidemment plus question d'imposer une utopie toute faite. La gauche, dit-il, doit puiser dans les pratiques populaires. Et ça me plaît bien, en fait. Et je me suis posé la question, bon, et attaque dans tout ça? Qu'il me soit permis d'émettre un avis. Attaque ne peut pas ne pas se reconnaître dans le diagnostic. Mais notre association s'en tire pas si mal, en fait. Primo, c'est vrai que nous passons pour des intellos d'économistes. Là-dessus, il y a encore à faire. Mais ça vient. Notre avenir, on le sait, est dans un espace pluriel. Et nous sommes, tant que nous pouvons, dans les collectifs luttent, comme le collectif O, par exemple, ou d'autres, sur Notre-Dame-des-Landes. Deuxio, c'est vrai que nous n'échappons pas tout à fait à la technocratisation et au présentisme. Mais sur cette question, nous avons rappelé utilement, je pense, le programme du Conseil national de la Résistance. Les pratiques populaires dont parle Corcuff, difficile d'y répondre, mais on y travaille. À Lille, très modestement, je veux dire, travailler sur les ESS, sur l'ESS, c'était un peu cette idée-là. On est modeste. On est peut-être naïf, d'ailleurs. Quant à notre avenir, on ne peut plus penser comme une utopie, encore moins comme une utopie totalisante, je l'ai déjà dit. Mais bien une utopie comme une nécessité. Thomas Coutreau y pose les jalons et Paul Ariès donne le cap. Voilà pour les lectures. Bien Antoine, nous sommes tout ouïes. Quel rendez-vous militant as-tu repéré en dehors du Père Noël sur cette fin d'année ? Eh bien, jusqu'à la prochaine émission d'Angle d'Attaque, le 19 janvier 2013, ce calendrier militant est d'autant moins dense que le précédent, car les rendez-vous militants de la première quinzaine du mois de janvier 2013 ne me sont pas encore disponibles, mais je les ferai connaître au fur et à mesure sur le blog d'Attaque Lille. Ceci dit, le mois de décembre est toujours marqué par les droits de l'homme, fêté cet après-midi, samedi 15 décembre, à partir de 16h, à la maison de quartier Vauban, rue Roland, à Lille. À la même heure, un rassemblement autour du slogan « Mariage, famille, tous les mêmes droits » aura lieu devant l'Opéra, place du Théâtre, à Lille. Un colloque relatif aux droits de l'homme et en hommage à Madeleine Rebériot, ex-présidente du comité lillois de la LDH, se tiendra le lundi 17 décembre à 18h, au Conseil régional Avenue Ouvert à Lille. N'oubliez pas que ce même jour, à 19h30, le comité lillois d'attaque se réunira à l'AMRES rue Gosselet à Lille pour évoquer l'émission d'aujourd'hui. Qu'est-ce que la démocratie directe ? Sera un thème abordé le mercredi 19 décembre à 20h à l'Insoumise, librairie alternative située au 10 rue d'Arras à Lille. Dans ce nouveau lieu alternatif sera projeté le documentaire « Bibir la utopia » ou « Vive l'utopie » qui retrace le parcours d'anarchistes et de membres de la CNT avant et pendant la guerre d'Espagne. Ce sera le mercredi 26 décembre à 20h. Puis, ce seront deux réunions majeures le même jour, le fameux mardi 18 décembre. La première, comme en a parlé René en début d'émission, à propos du dossier de la gestion de l'eau dans la métropole lilloise, de 18h30 à 20h30, avec la participation de Jean-Luc Touly, de Gabriel Amar et peut-être d'Alain Cacheux à la maison d'éducation permanente place Georges Lyon à Lille. La seconde, concernant le collectif contre l'austérité à 19h à la Fédération des associations laïques rue de Lille à Roubaix. comme à chaque fin d'année sont prévus des moments de détente et de solidarité. Le jour le plus court pour partager ensemble la richesse du court-métrage, le vendredi 21 décembre de 20h30 à 5h du matin, heure à laquelle seront servis des croissants, le tout à l'hybride 18 rue Gosselet à Lille. Si vous n'en avez pas assez, et si bien sûr la fin du monde n'a pas sonné, au contraire des prédictions du calendrier Maya, enchaînez alors avec la nuit du film critique des années 60-70, qui se déroulera le samedi 22 décembre de 17h jusqu'au lendemain matin à l'Insoumise, 10 rue d'Arras à Lille, dont le programme des films projetés peut être retrouvé sur le blog l'insoumise Lille d'un seul tenant. WordPress.com. Un conseil, faites de bonnes nuits avant puis après afin de pouvoir profiter des fêtes de fin d'année, car deux réveillons solidaires sont programmés par la mairie de Lille, le soir du lundi 24 décembre à l'hôtel de ville, place Augustin-Laurent à Lille, et le soir du lundi 31 décembre à la salle des fêtes rue Lannoye à Fives. Pour y participer, il est nécessaire d'habiter Lille ou dans une des communes associées à la capitale des Flandres et surtout de réserver à l'avance votre participation auprès du service Lille-Ville-Solidarité de l'hôtel de ville de Lille qui est situé au 34 sous les Arcades à Lille et contactable au 03 20 49 50 84. Je répète, 03 20 49 50 84. Vous pouvez retrouver ce calendrier militant sur notre blog attaquelille.over-blog.com. La prochaine émission d'Angle d'Attaque, le samedi 19 janvier 2013, de midi à 13h, aura pour thème le financement solidaire, toujours dans le cadre de l'économie sociale et solidaire. Merci à notre intervenante d'aujourd'hui. À bientôt, bon appétit et bien sûr, bonne fête de fin d'année si vous les souhaitez. Merci Antoine. N'oublions pas les prochains rendez-vous. Le 17, lundi, à la MRES avec nous, avec la même équipe. Et puis le 18, à la MEP sur l'eau, les régies publiques de l'eau, un combat que nous allons mener tous ensemble. Le mardi 18, 18h30 à la MEP. Au revoir, bonne fête fin d'année sur Radio Campus, bien sûr. Et je profite qu'il y ait un petit peu de temps après cette émission d'attaque pour relayer un message qui nous a été transmis. Aujourd'hui aura lieu un grand rassemblement à la place de la République. Il s'agit d'une manifestation régionale de soutien aux sans-papiers grévistes de la faim. Je relaie là l'information qui est présente sur le site Indymedia Lille. Donc je vous invite à participer à cette réunion, cette manifestation, 15h, aujourd'hui, samedi 15, place de la République. À bientôt. Tu peux passer des années, des dizaines, lire les tarots d'étranges vénitiennes, risquer ta vie au carrefour, toutes les nuits tu tournes autour, tu tournes autour, tu tournes autour d'un goût de sel et de marée. Alors la nuit est annoncée. Encore à cette heure incertaine où les regards ont des flammes soudaines, passent les chiens, viennent les loups, au crépuscule sortent les fous. Dans les ténèbres, un zigane d'Ukraine parle très peu en souriant à peine. Les hommes qui posent pas de questions sont en voie de disparition. Tu tournes autour, tu tournes autour, de cheveux noirs et parfumés. Alors la nuit est arrivée. la musique est un très grand mystère. Elle peut séduire aussi bien que la mer. Les déraisonnables, attention, sont en voie de disparition. La nuit qui vient, cette femme magique va t'embarquer au-delà des limites. Je n'ai pas posé de questions à cette étrange apparition. Elle tourne autour, je tourne autour, elle devient folle et débauchée. Nos deux corps tournent mélangés.